d'Ingolstadt, dans l'hôtel des Invalides. Il était là, dans son manteau, jambes de bois sur l'escabeau, près d'un bon feu de cheminée. Il parcourait un grand journal. Soudain, sur le feuillet banal, il dit d'une voix spontanée « C'est aujourd'hui comme demain, c'est tous les jours même refrain. Doux calme, à nos jeux tu présides, tombe la foudre sur son pied pour qu'il se meure estropié dans l'hôtel des Invalides. Ô France, ô pays de mon choix, bientôt aux griffes des bourgeois se flétrira ta destinée. Je lis partout des noms nouveaux, je ne trouve point de héros de grande âme prédestinés. Du lait caillé gît dans leurs flancs, ils versent l'encre au lieu du sang, forgent des ruses pour égide. Sus, chassez-moi ces vieux grigous, fourrez-les eux et non pas nous dans l'hôtel des Invalides. Au diantre la plume de coq, les jeux de soldats et le troc, les mots et le cribasserie. Avez-vous donc jamais souffert? Sur quel sol de neige couvert exhaliez-vous votre furie? Vous étudiez l'ABC quand nous rentrions corps glacé sur des soutiens trop peu solides. Vous vous chauffiez au coin du feu dans votre chambre et nous, grand Dieu, dans l'hôtel des Invalides. Camarade, donne ta main, viens, tourne-moi vers ce dessin. Viens, je veux revoir le grand homme. Ailleurs, son air de bric-à-brac fait soulever mon estomac. Son plat regard partout m'assomme, qu'on lui laisse au moins ses honneurs. Je lui souhaite tout bonheur, à la face des gens cupides. Le brave homme de roi bourgeois nous a bien fait un sort de roi dans l'hôtel des Invalides. Salut, salut mon caporal, mon empereur, mon général, toi que j'aime à nommer mon père. Oui, c'est toi, mais tu n'es pas bien. Le bousilleur te fit vilain, il ne t'a point connu, le hère. Il a touché le chapeau gris, mais où paraît l'œil d'Austerlitz, où lui le front des pyramides. Repeignez-le, faites-le beau, comme au grand jour de Waterloo, dans l'hôtel des Invalides. Le vieux se tut, le front cavé, l'œil morne et de pleurs abreuvés, il restait assis dans la salle. Puis il boita vers le caveau qui renferme le grand tombeau et dit à genoux sur la dalle « Seigneur, qui l'eût jamais pensé, dans cette nuit d'effroi glacé où tu quittas tes intrépides, moi, te revoir en cet endroit et m'endormir sous même toi dans l'hôtel des Invalides. » De vieux soldats m'ont dit, grâce à ta muse, le peuple enfin a des chants pour sa voix. Ris du laurier qu'un parti te refuse, conserve encore des vers à nos exploits. Chante ce jour qu'invoquaient les perfides, ce dernier jour de gloire et de revers. J'ai répondu, baissant des yeux humides, son nom jamais n'attristera mes vers. Béranger.